na lobi ya eloko nini pourquoi zali ko tala ngai boye pourquoi tu me regardes mais bien ça va ta comprendre merci et ma cœur pourquoi finga moko tongo moi j'avance tous les jours pourquoi ina moko boya je suis qui je suis ali mio ya passo qui si mi si na tai ya zali ya tango moko puna na bata so ki ma papa na la ti ya zali ya tai moko dipi te na tai e tali ya wapie dipi te na tai e tali ya wapie na pesa ka yo reponse te po na tala ka yo pamba le chen a wa la tala pa le pas le chen a wa la tala pa le pas On attaque che c'è là, eh! Bayanke o oluka etumba te na bana ofise ba mis